À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le journal indien Public News, en date du 11, a présenté un écrit titré « Kim Jong-il, grand homme de la politique souveraine ».